Je tire ma couverture de magazine. Ça tient chaud sur le plateau des 1000 vaches qui peuplent ce monde. Chacune d'elles se dit star. Vache sacrée ou sacrée vache, difficile de savoir ce qu'il y a sous cette peau de bête si douce. Jolie vise et limousine, la vraie star c'est ma voisine. Jolie vise et limousine, une sacrée vache cette gamine. Jolie vise et limousine, je préfère le limousin au stress parisien. Liaison directe avec la nature.